Ouais. Hey, hey. Bienvenue en Belgique. Ouais, ouais. L'exhaleur. Osiremsi. 4100. Hey, la fine équipe. 2007. Pour tout le monde. Le petit phare. Ce que me réserve l'avenir, moi je sais pas, je suis pas devin. Mais chaque jour alimente un peu plus ma rage de vin. Je me demande si c'était à refaire, si je le referais. Mais c'est sans regret que je chanterai toujours ce refrain. Ce que me réserve l'avenir, moi je sais pas, je suis pas devin. Mais chaque jour alimente un peu plus ma rage de vin. Je me demande si c'était à refaire, si je le referais. Mais c'est sans regret que je chanterai toujours ce refrain. On recule pour mieux sauter, voir l'histoire capoter. Nourrirait les regrets, impossible, on digère que le concret. Durer le constat. Chacun vit dans sa bulle, génération couchée sur le matelas qui gaspille les ovules. C'est pas, j'suis pas mieux, non, j'suis personne. J'entends nos voeux dire que les valeurs se rançonnent. Les problèmes se maçonnent, les familles se sectionnent. L'enfer sélectionne à la fin, le chétan collectionne. Nah, ma fin sera pas celle-là. De bras de job en bonne santé, t'inquiète, j'me plains pas. Certains ont leur combat, comme les paraplégiques. Une vraie leçon de courage, dans un destin tragique. Pas de baguette magique, dans des cas pareils. Moment de mélancolique, Bernard et fou à t'éveil. Ok, je reste fort, tous là. Ouais, ouais. Pour t'entourer, le paradis est ouvert. Pour ton père, la place est réservée. Ce que me réserve l'avenir, moi je sais pas, je suis pas devin. Mais chaque jour alimente un peu plus ma rage de vin. Je me demande si c'était à refaire, si je le referais. Mais c'est sans regret que je chanterai toujours ce refrain. Ce que me réserve l'avenir, moi je sais pas, je suis pas devin. Mais chaque jour alimente un peu plus ma rage de vin. Je me demande si c'était à refaire, si je le referais. Mais c'est sans regret que je chanterai toujours ce refrain. Moi je suis rarissime comme les yeux bleus de la fille de ma sœur. J'ai d'autres choses à faire que de rêver d'une vie de rappeur. L'exhaleur, j'ai des principes qui me tiennent à cœur. Je fais mon bis à part et je m'en fous de bouffer la Big Apple. Me demande au petit pas, optimal au fond de chaque syllabe. Et ma plume s'hydrate pendant que mes gars font les six pas. L'exhaleur, lexical, MCical ou ne m'apprécie pas. Lyrical, kamikaze, il faudra bien que le monde s'y fasse. À présent, moi je sais, c'est le ciel qui décide des rôles. Décidément, je suis né pour dessiner mes idéaux. C'est pour ceux qui se reconnaissent dans le récit de mes proses. Fidèle à moi-même, je suis. Ça plaît précis comme mes hommes. Que serait nos vies sans mélodie? Ou que serait ce beat sans phrase? Je suis pas prêt d'être pris dans les filets comme beat sans brasse. Mais c'est pas vrai, ne savent-ils pas que la paix se fera sans armes? Si demain je pars très tôt, vas-y, dis-moi qui s'en fera. Mais t'étais où, toi, quand j'avais besoin de réconfort? Alors viens pas me serrer la main tout en me disant que t'es mon pote. La jalousie ne sert à rien, mais ils veulent tous péter mon score. Et rapper, c'est mon combat pour arriver à bon port. Mais ouais, j'arrive. Et donc du coup, tu verras appliquer le bon fond. La fine équipe avec un grand esprit, faut pas que tu confonds. Je suis bien le fils de ma mère. Elle-même est tellement forte, j'ai préféré donner mon amour avant que la haine m'emporte. Que me réserve l'avenir, moi je sais pas, je suis pas devin. Mais chaque jour alimente un peu plus ma rage de vin. Je me demande si c'était à refaire, si je le referais. Mais c'est sans regret que je chanterai toujours ce refrain. Ce que me réserve l'avenir, moi je sais pas, je suis pas devin. Mais chaque jour alimente un peu plus ma rage de vin. Je me demande si c'était à refaire, si je le referais. Mais c'est sans regret que je chanterai toujours ce refrain.